connexion trouvée entre lui et elle. C'est seulement l'un d'eux qui fait que le divorce naisse. Christophe Malila, Nicolas Malila, Rike Liolo, Nano Liolo, Chico Membina. Na azali mwana ye bijumbo ma tango ba paraba boteki nga ba yebisaki nga kasi lelo yo na sina koli na komi mokolo e nani linsu akola disanga maladi po ete na kompanda lisusu ya mvo na sina zwi nanga mayele. Na nyonso na moni na binanga banda kala kino lelo yo Fanny Boka Rosiane la Congolaise akolo bebe fia libilionaire en présence mala liboso na monaki yo Chantal Mboyolo opesaki nga trouble makasi likola bote na yo mala liboso na monaki yo mami vino opesaki nga ne maladi ye na anine baebisa kingana boya yo kasi na kukaki te vertige bolingo ma Kalex Alberto Ramundes Tirano Synthetique basi nyonso na mokili oyo bazali selolenge moko kolanda te po aza na mbongo monene tomoke molai to mokuse pembe moindu mobali akotikala se mobali ye kozala jara basi oyo te balobaka na vi na bango mo mari ne de panke de moi wana derere alisi c'est pas bon pour une femme eva diskandinavi ah bandeko mokili bolipeko bokotunanga laurent lorenzo na jino bokana bakoma kotunanga mwasi oyo na bandai kobetela tolo lelo atikinga akoma wapi. Ah la vie, Élisée Mboma, Boa Mboma, témoignez pour un problème, maman. Pipina Jean-Pi, Osendina Diabo. Kende kende na yo, onde ko mwasi, kozo nga na yo peli susute, na si na le miyo. Igo Tamka. Ba wati, kosi, kosi yo mawa, bomba na lokuta, kosi yo, na ba fose promesse, ata yo boni nga na komi na mbomo na nga deranje. Tu vas trouver chez moi Kali ma porte est fermée et José Pomolo Bibebo FBI tu peux pas n'habite en Koluka Ligne Joli Mayala Papi Mela de Mamba Tika Kula Nabango Okoye Kokufa Mama dans la vie il faut savoir se protéger. Papa makela Simon Bongo na Gabinzinga Bamekaki kokonseye biso Neboyoka kite Jean-Louis Okoko tu es parti ma chère Anatole Fouala ambassadeur Kenanikle Chikenike mais ce conseil na kofesa yo Beya talempika Mobali na yo soki ya sali Meka koluka ye Jojo Alitane dans l'exemple ya mère Bitilix restaurant le perroquet Balanda ki exemple malamu ya bamata yango wana pe baresire na vina bango abona tande salut Chipe Kalukemba ingénieur nono Telecel. Oui allô c'est Moudalikasu. Elle a qui se va moquer, on s'en a talent, oh yo, tout le monde a zéro s'attendre dans mon côté. Oh, et ça l'inze, oh, y'a bobine à la boîte de nuit, oh yo, l'inaka. Circus Night Club, Imprévu, New Malibu, les Nelson à Paris, Alizé Club, José de Paris. M16 chez Véroger, sans oublier la bandale. Maïsaf, Maïsaf, les coins d'ambiance. Nurex, Akitambo, chez Vejansi. Memphis Club, Vitario Moulongo DGS, grand prêtre. Ah. C'est ça mon appel à défense. Allez, Balila. C'est ça mon appel à défense. Malika sur qui se. C'est ça mon appel à défense. Il est béant. C'est ça mon appel à défense. A cette chambre. C'est ça mon appel à défense. Gabi Ochuri. C'est ça mon. Time communication. Hey, Messu.